loin de moi, je suis loin de toi. Je n'arrive pas à respirer sans toi. Mon cœur commence à s'ouvrir. Je t'ai dit des choses sans mentir. Je ne suis pas une personne ouverte, mais avec toi je me suis découverte. J'ai enfin souri après tant d'années. Je t'ai dans la peau et je t'ai trouvé. Tu es loin. Je rêve de nous sans te connaître. J'ai un...